Genesis chapter 14. Genèse chapitre 14. Let's see what is in Genesis 14. Voyons ce qu'est Genèse 14. Today the truth has come. Aujourd'hui, la vérité est venue. Genesis 14. Genèse 14. Verse 17 to 20. Les versets 17 à 20. And he says, et il dit, after Abraham returned from defeating Chedorlaomer and the kings allied with him, the king of Sodom came out to meet him in the valley of Shaveh. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Chedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodom sortit à sa rencontre dans la vallée de Shaveh. That is the king's valley. Qui est la vallée des rois. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. He was priest of God most high, and he blessed Abraham, saying, "Blessed be Abraham by God most high." Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Precious people. Précieux peuple. He appeared. Il est apparu. Melchizedek. Melchizedek. He appeared. Il est apparu. Blessed Abraham. A béni Abraham. Abraham gave him a tenth. Abraham lui a donné la dîme. One out of ten. Un en dehors de dix. In other words, Abraham tithes to him. En d'autres mots, Abraham lui a donné la dîme. But when you move on, mais quand vous vous déplacez, and start now to search through the scriptures, et commencez maintenant à chercher à travers les Écritures, and find out, et de trouver this Melchizedek, ce Melchizedek, the king of Salem, le roi de Salem, who is he? Qui est-il? The priest of God most high. Le prêtre du Dieu très haut. When you begin to start to search. Quand vous commencez à chercher. Then you go like this. Ensuite vous allez comme ça. And come back to the same place. Et revenez à la même place. And go back. Et retournez. And you are heading nowhere. Et vous n'allez nulle part. You cannot find anything about his genealogy. Vous ne pouvez rien trouver à propos de sa généalogie. In Hebrews. Dans Hébreux, in the book of Hebrews, dans le livre aux Hébreux, he is mentioned again. Il est mentionné encore. He is celebrated. Il est célébré as the priest of God most high. Comme le prêtre du Dieu tout-puissant. And then later, et ensuite, plus tard, they say, ils ont dit, the Messiah is in the order of Melchizedek. Le Messie est dans la lignée de Melchizedek. Then I understood. Ensuite, j'ai compris. Bethlehem. Bethlehem. Boy, you are the smallest clan. Alors que tu es le clan le plus petit. Out of you now. De toi maintenant. Will come the mighty one. Viendra le puissant. Of ancient. Des temps anciens. Before Abraham. Avant Abraham. Come the ancient one. Vient celui qui est ancien. The greater, celui qui est plus grand, has to bless the lesser. Doit bénir celui qui est en dessous. But when the prophet Micah said, he said he will be the ancient one. Mais quand le prophète Michée a dit, il sera celui qui est ancien. Coming out of Bethlehem Ephrata. Sortant de Bethlehem Ephrata. I want to read more. Je désire en lire plus. John chapter 8. Jean chapitre 8. Then I'll summarize for you. Et ensuite, je vais le résumer pour vous. John chapter 8 verse 58. Jean chapitre 8 verset 58. When the Messiah appeared. Quand le Messie est apparu. I tell you the truth. Je vous dis la vérité. Jesus answered. Répondit Jésus. Before Abraham was born, avant qu'Abraham soit né, I am. Je suis. He is worthy. Il est digne. He is the ancient one. Il est celui qui est ancien. Listen. Écoutez. Now that was fulfilled. Let me read for you here. Maintenant, ça a été accompli. Laissez-moi lire ici. Turn with me the book of Matthew chapter 2. Tournez avec moi à l'évangile de Matthieu, chapitre 2. Matthew chapter 2. Matthieu, chapitre 2. Verses 1 to 7. Les versets 1 à 7. You will know where the church went wrong. Vous allez savoir d'où vient l'église. And today she's going back. Et aujourd'hui elle retourne en arrière. Must go back. Elle doit retourner. He says, il dit, after Jesus was born in Bethlehem, Jésus étant né à Bethléem, in Judah, en Judée, during the times of the king Herod, au temps du roi Hérode, Magi from the east came to Jerusalem. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. And asked, where is the one who has been born king of the Jews? Et ont demandé, où est le roi qui est né en tant que roi des Juifs? We saw his star in the east and have come to worship him. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. And he says, et il dit, when the king Herod heard this, he was disturbed. Quand le roi Hérode a entendu cela, il fut troublé. And all Jerusalem with him. Et tout Jérusalem avec lui. When he had called together all the people's chief priests. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. And the teachers of the law. Et les enseignants de la loi. And he asked them where the Christ was to be born. Il s'informa auprès d'eux, où est-ce que le Christ doit naître? In Bethlehem, in Judah, they replied. À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils. For this is what the prophet has written. Car voici ce que le prophète a écrit. But you, Bethlehem, et toi, Bethléem, in the land of Judah, terre de Juda, and by no means least among the rulers of Judah, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, for out of you will come a ruler, car de toi sortira un chef, who will be a shepherd of my people Israel, qui paîtra mon peuple Israël. So do you understand? Alors vous comprenez? That prophecy was fulfilled. Cette prophétie a été accomplie. But where did the church not understand? Mais où l'église n'a pas compris? Because he said, parce qu'il a dit, I am the way. Je suis le chemin. This is the way. I am the way. C'est le chemin. Je suis le chemin. And there is no other name by which man can be born again. Et il n'y a pas d'autre nom par lequel l'homme peut naître de nouveau. And save except the name of Jesus. Et être sauvé, sauf par le nom de Jésus. But if you examine the way, mais si vous examinez le chemin that he set out, qui est tracé from the beginning, du commencement, it is poor, c'est pauvre, it is humble, c'est humble, ignored, ignoré, neglected, négligé. So if there is a first place, mais s'il y a une première place where the church needs to restore, où l'église a besoin d'être restaurée, is the understanding of the Lord Jesus. C'est la compréhension du Seigneur Jésus. The church needs to know, l'église a besoin de savoir, that the Lord is humble, que le Seigneur est humble, the Lord is simple, le Seigneur est simple, the Lord is poor, le Seigneur est pauvre. No wonder he said, I'm coming to set free the poor. Pas étonnant qu'il ait dit, je suis venu pour libérer les pauvres. I bring the good news to the poor. J'apporte la bonne nouvelle aux pauvres. Apostasy in the church. L'apostasie dans l'église has come because of a misconception. Est venue à cause d'une fausse conception. Pastors, les pasteurs, you think that when you come and start speaking big, vous pensez que quand vous venez et que vous commencez à parler grand, whom you know, qui est-ce que vous connaissez, what you have, ce que vous avez, what you live like, comment vous vivez, at times the television can show you, parfois la télévision peut vous montrer, spend a day with you in your house, how you eat, how you live, passer le jour avec vous, comment vous vivez, comment vous mangez, what clothes you wear, quels habits vous revêtez. Then you think you are serving the Lord. Ensuite vous pensez que vous servez le Seigneur. The Lord is meek. Le Seigneur est humble. The Lord is very humble. Le Seigneur est très humble. Broken. Brisé. Out of poor Bethlehem. Sortant de la pauvre Bethléem. That's where he came. C'est de là qu'il vient. Let us stop sophisticating Jesus. Arrêtons de sophistiquer Jésus. Sophisticating salvation. De sophistiquer le salut. Because there is a formula today. Parce qu'il y a un formulaire aujourd'hui. If you want to be blessed, si vous voulez être béni, you have to sow this amount. Vous avez à semer cette somme. If you want to see deliverance in your home, si vous voulez voir de la délivrance dans votre maison, pay this amount. Payez cette somme. Yet the Lord, maintenant le Seigneur, is free of charge. Il est gratuit. Please, s'il vous plaît, let us make sure salvation is free. Soyez sûr que le salut est libre. Teach the whole Bible, don't teach less. Enseignez toute la Bible. N'enseignez pas moins. Please focus on salvation which is free to the widows, to the orphans, to everybody. S'il vous plaît, concentrez-vous sur le salut qui est libre pour les veuves, pour les orphelins, pour tout le monde. It is free of charge. C'est gratuit. Salvation is not complicated. Le salut n'est pas compliqué. It is free of charge. C'est gratuit. It is for the poor. C'est pour les pauvres. Because all of us before the Lord we are very poor. Parce que tous devant le Seigneur, nous sommes très pauvres. So please let us return salvation to the poor. Alors, s'il vous plaît, retournons le salut aux pauvres. And stop charging. Et arrêtons de leur faire payer. The love of money. L'amour de l'argent. Is the root of all evil in the church. C'est la racine de tous les maux dans l'église. But let me summarize for you, precious people. Alors, laissez-moi résumer pour vous, précieux peuple. Freely you get, freely you give. Gratuitement vous avez, gratuitement vous donnez. We cannot sell the word. Nous ne pouvons pas vendre la parole. We cannot sell the healings of the Lord. Nous ne pouvons pas vendre la guérison du Seigneur. Now, maintenant, the next thing, la chose suivante, church, église, listen, écoutez, where else did the church not understand the Lord? Où d'autre est-ce que l'église n'a pas compris le Seigneur? Number two, numéro 2, massacre, massacre, massacre, massacre. The church did not understand massacre. L'église n'a pas compris le massacre. That is another reason for apostasy. C'est une autre raison d'apostasie. And I say, et j'ai dit, if you will be able to know, si vous voulez être en mesure de savoir where things went wrong, où les choses ne vont pas, then you can re-navigate yourself. Alors vous pouvez vous naviguer à nouveau vous-même. Back to the way, the way, the way. Revenir au chemin, au chemin, au chemin. Back to the way. Revenir au chemin. The Lord wants you to go back to the way. Le Seigneur veut que vous reveniez au chemin. Alléluia. Alléluia. Let us read. Read with me Jeremiah. Lisons. Lisez avec moi Jérémie. Jeremiah 31. Jérémie 31. Alléluia. Alléluia. The moment of truth. Le moment de vérité. Jeremiah 31. Jérémie 31. Verse 15 on. Les versets 15 et suivants. He says. Il dit. This is what the Lord says. C'est ce que le Seigneur dit. A voice is heard in Ramah. Une voix est entendue à Ramah. Mourning and great weeping. Des lamentations et des larmes amères. Rachel weeping for her children. Rachel pleure ses enfants. And refusing to be comforted. Elle refuse d'être consolée. Because her children are no more. Parce que ses enfants ne sont plus. This is what the Lord says. C'est ce que le Seigneur dit. Refrain your voice from weeping. Retiens tes larmes. And your eyes from tears. Et tes larmes de tes yeux. For your work will be rewarded. Car il y aura un salaire pour tes œuvres. Declare the Lord. Déclare l'Éternel. They will return from the land of the enemy. Ils reviendront du pays de l'ennemi. And then he talks of hope. Et ensuite, il parle d'espoir. Massacre. massacre. The church has not understood that word massacre. L'église n'a pas compris ce mot, massacre. That's where things have gone wrong. C'est pourquoi les choses vont mal. Massacre. Massacre. Listen very carefully. Écoutez très attentivement. Listen carefully. Écoutez attentivement. When Jeremiah gave this prophecy, quand Jérémie a donné cette prophétie, this prophecy was double tired. Cette prophétie, c'était deux en un. It had a double tire. Elle avait un double sens. The first part of the prophecy, la première part de la prophétie, was talking about the disobedient Israel. Parlait à propos de la désobéissance d'Israël. And listen very carefully. Et écoutez très attentivement. When Israel was disobedient, quand Israël était désobéissant, the Lord promised promotion from the north. Le Seigneur a promis des agitations dans le nord. Mayhem from the north. Du grabuge du nord. And the Bible says, et la Bible dit, when they fail to repent, quand ils ne parviennent pas à se repentir, the Lord raised up Nebuchadnezzar in Babylon. Raised. The Lord raised. Le Seigneur élève Nebuchadnezzar à Babylone. Le Seigneur a élevé. That he may come, pour qu'il puisse venir and destroy the house of corruption, et détruire la maison de corruption. The house of worship, la maison d'adoration, had turned into a house of corruption, a été tournée en maison de corruption. And the Lord did not want to see it anymore. Et le Seigneur n'a pas désiré le voir encore. So in that vision, alors dans cette vision, Jeremiah saw, Jérémie a vu, that when the Babylonians attacked, que lorsque les Babyloniens ont attaqué, they would destroy the temple, ils détruiront le temple, loot the gold, voleront l'or, and the treasures, et les trésors, and set it on fire, et brûleront, and then capture the Israelites, et captureront les Israélites. And where did they assemble them? Et où est-ce qu'ils les ont assemblés? They assembled them in Ramah. Ils les ont assemblés à Rama. In fact, en fait, they were chained. Ils étaient enchaînés. And what amazes me, et ce qui m'étonne, many times when the Lord shows me earthquakes of these things that I prophesy, bien souvent quand le Seigneur me montre des tremblements de terre et de ces choses que je prophétise, it's amazing because in that dream, c'est étonnant parce que dans ces rêves, when I reach that country and proclaim the earthquake, quand j'arrive dans ces contrées et proclame le tremblement de terre, or whatever the prophecy is, quelle que soit la prophétie, it's amazing because I see myself also in that country, c'est étonnant parce que je me vois moi-même dans cette contrée, also running for my life, courant moi aussi pour ma vie. When the earthquake has come, quand le tremblement de terre est venu, or whatever the tempest the Lord spoke, or the judgment, ou quelle que soit la tempête dont le Seigneur parle dans le jugement. And when I wake up, I'm normally very shocked. Et quand je me réveille, je suis normalement très choqué. Jeremiah, Jérémie, when Jeremiah prophesied mayhem, quand Jérémie a prophétisé le grabuge, and when that mayhem was fulfilled, et quand ce grabuge a été accompli, Jeremiah also was arrested and chained. Jérémie aussi a été arrêté et enchaîné. Until Nebuzaradan, jusqu'à ce que Nebuzaradan, the commander of the Babylonian army, le commandant de l'armée babylonienne, he was inspecting the people who have been arrested. Il était en train d'inspecter le peuple qui a été arrêté. Then he found Jeremiah. Alors il a trouvé Jérémie. Then he said, "Hey Jeremiah." Et il a dit, "Hey Jérémie." Are you not the one who has been warning these people to repent? Est-ce que tu n'es pas celui qui a mis ces gens au courant de se repentir? And they refused to listen to you. Et ils ont refusé de t'écouter. And then they unchained him. Ensuite, ils ont enlevé ses chaînes. And they told him, "Go to a certain place. They will cook for him. He will eat there." Et ils lui ont dit, va à une certaine place, ils vont cuire pour lui et il va manger là. That was the first half of that prophecy. Ça, c'était la première moitié de cette prophétie. But the second half, et la seconde moitié, Jeremiah had seen the advent of the Messiah. Jérémie a vu la venue du Messie. And he had seen il a vu that when the Messiah would be born in Bethlehem, que le Messie va naître à Bethléem, the king Herod, le roi Hérode, would begin to massacre the children, va massacrer les enfants. Massacre. That is one thing the church has not understood. C'est une chose que l'Église n'a pas compris. That's why there is a fall. C'est pourquoi il y a cette chute. He would begin to massacre the babies because he wants to sweep them and massacre the Messiah also. Il veut massacrer tous les bébés parce que il veut les balayer et massacrer le Messie aussi. The prophecy. La prophétie. Said. A dit. The Messiah. Le Messie. Would be born during a massacre. Va naître pendant un massacre. When the Messiah would be born, quand le Messie naîtra, there would be a massacre. Il va y avoir un massacre. The church has not understood this. L'Église n'a pas compris ceci. In other words, en d'autres mots, there will be rejection. Il va y avoir du rejet. Did not understand. N'a pas compris. So when he said, alors quand il dit, I am the way, je suis le chemin, the way, le chemin, this way, ce chemin, that way, ce chemin, is full of rejection, est plein de rejet, because the church is trying to get acceptance from across the board, parce que l'Église essaye d'obtenir l'approbation autour du monde. That everybody may accept her. Et veut que tout le monde l'accepte. The church. L'Église. Is soliciting for acceptance. Sollicite pour qu'on l'accepte. In fact. En fait. One of the biggest reasons why there is a fall in the church. Une des plus grandes raisons pour laquelle il y a une chute dans l'Église. Is because she cannot stand rejection. Parce qu'elle ne peut pas supporter le rejet. She always wants to be accepted. Elle voudrait toujours être acceptée. So and so loves me. Celui-ci et celui-là m'aime. I am popular with this group here. Je suis populaire avec ce groupe-là. I am also popular with this group. Et je suis aussi populaire avec ce groupe. But we see that from the onset. Mais nous voyons que depuis le début of the coming of the Messiah, de la venue du Messie, he started with bitter rejection. Il a commencé avec un rejet amer. So if you are going to walk on the footprints of the Messiah, alors si tu vas marcher dans les pas du Messie, you must walk the path of rejection. Tu dois marcher dans cette part de rejet. That is where things went wrong. C'est là que les choses sont allés mal. Let us go back to rejection. Retournons au rejet. Let us stand with the Lord. Tenons-nous devant le Seigneur. Let everybody reject us. Permettons à tout le monde de nous rejeter. Let we stand with the Lord. Pour que nous tenons devant le Seigneur. Rejection. Le rejet. Is the fingerprint. C'est une empreinte digitale. Is the approval. C'est l'approbation. Is the hallmark. C'est le point de repère of the Christian walk. De la marche chrétienne. You see? Vous voyez? Pastor, how are you? Pasteur, comment allez-vous? Oh, I'm doing well. Oh, je vais bien. How is your church? Comment va votre église? Oh, my church is perfect, you know. Oh, mon église est parfaite, vous savez. They love me, everybody love me. They do hallelujahs when I come. Ils m'aiment, tout le monde m'aime quand je viens. When I wear the carpet nyekundu. Ils mettent un tapis rouge. Something is wrong. Quelque chose ne va pas. If you preach this way, si vous prêchez ce chemin, this way, ce chemin, some of the members of your church, quelques membres de votre église, they will hate you, vont vous haïr. This way, ce chemin, Jesus entered by the biggest rejection ever. Jésus est entré avec la plus grand rejet. Pastors, pasteurs, church members, membres de l'église, let us go back to rejection. Retournons au rejet. In fact, au fait, I normally tell people, je dis normalement aux gens, that if I am not rejected, que si je ne suis pas rejeté, then I need to go back and ask the Lord for another gospel. Alors j'ai besoin de retourner au Seigneur et lui demander un autre évangile. Because that is the proof. Parce que ça c'est la preuve. That the Lord sent me at this hour. Que le Seigneur m'a envoyé en cette heure. This is the darkest hour. C'est l'heure la plus sombre. In the church. Dans l'église. In the world. Dans le monde. And when you walk in this way. Et quand vous marchez sur ce chemin. Look at this. Écoutez ceci. There are two things here. Il y a deux choses ici. If you walk in this way. Quand vous marchez dans ce chemin. Just you as a Christian walking this way. Juste vous êtes les chrétiens marchant dans ce chemin. Because he said, I am the way. Parce qu'il dit, je suis le chemin. If you walk in this way. Si vous marchez dans ce chemin, listen what will happen. Écoutez ce qui va arriver. Whether you don't preach, que vous prêchiez ou non, you are going to intimidate the world. Vous allez intimider le monde. Just the way you walk holy. Juste la manière dont vous marchez, sainte. They will attack you and reject you. Ils vont vous attaquer et vous rejeter. They will say, siku hizi anajifanya ni mtakatifu. En ces jours, elle prétend qu'elle est sainte. At yeye ndiye holy altar. Ils diront, elle est le saint autel. Just walking holy. Juste marchant saintement. You must be rejected by the dark world. Vous devez être rejeté par le monde de ténèbres. If you tell your daughters, si vous dites que vous êtes les filles, that for us we will live for the Lord. Mais pour nous, nous voulons vivre pour le Seigneur. In this house there are no mini skirts. Dans cette maison, il n'y a pas de mini jupe. And they dress holy. Et ils s'habillent saintement. The neighbors will feel bad. Les voisins vont se sentir mal. They'll say, what is this you're showing us now? Ils veulent dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous montrer maintenant? What do you think you are what? Qu'est-ce que vous croyez que vous êtes? If you preach this way, si vous prêchez de cette manière, you must attract the rejection of the world. Vous devez attirer le rejet du monde. But if you preach it even the more, même si vous prêchez plus, and let me tell you today, et laissez-moi vous dire aujourd'hui, the Church of Christ, l'Église de Christ, rejection is okay. Le rejet, c'est pas mal. Accept it. Acceptez-le. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Verses 13 to 18. Versets 13 à 18. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. 13 to 18. 13 à 18. When they had gone, quand ils étaient partis, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Un ange du Seigneur est apparu à Joseph dans un rêve. Get up, he said. Lève-toi, dit-il. Take the child and his mother and escape to Egypt. Prends l'enfant et sa mère et fuyez en Égypte. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. Et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. So he got up, took the child and his mother during the night and left for Egypt. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Where he stayed until the death of Herod. Où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. And so was fulfilled what the Lord had said through the prophet. Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit à travers le prophète. Out of Egypt I called my son. Hors d'Égypte, j'ai appelé mon fils. When Herod realized that he had been outwitted by the Magi, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, he was furious and he gave order to kill all the boys in Bethlehem. Se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethlehem. And his vicinity, who were 2 years old or under, in accordance with the time. He had learned from the Magi. Et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Then what was said through the prophet Jeremiah was fulfilled. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. A voice is heard in Ramah. On a entendu des cris à Ramah. Weeping and great mourning. Des pleurs. douleur et de grandes lamentations. Rachel weeping for her children. Rachel pleure ses enfants. And refusing to be comforted. Et n'a pas voulu être consolée. Because they are no more. Parce qu'ils ne sont plus. It was fulfilled. Ça a été accompli. So that means. Ça signifie. If we will walk in this way. Si nous voulons marcher dans ce chemin. This highway of holiness. Ce haut chemin de sainteté. Let us be careful. Soyons prudents. Because the enemy would like to finish you. Parce que l'ennemi va essayer de vous finir. If you walk in this way. Si vous marchez dans ce chemin. Because he said, I am the way. Parce qu'il a dit, je suis le chemin. But if you walk in this way. Mais si vous marchez dans ce chemin, the enemy will try to finish you. L'ennemi va essayer de vous finir. If you walk in this way. Si vous marchez dans ce chemin. Next. Ensuite. What did the church not learn? Qu'est-ce que l'église n'a pas appris? The church. L'église. Today. Aujourd'hui. Has not understood. N'a pas compris. Sorrows and grief. Les chagrins et les peines. Sorrows and grief. Les chagrins et les peines. If she had understood sorrows and grief. Si elle avait compris les chagrins et les peines. She would not have fallen. Elle ne serait pas tombée. What did the prophet say? Qu'est-ce que le prophète a dit? Isaiah 53. Dans Ésaïe 53. Verses 3 to 5. Les versets 3 à 5. Isaiah 53. Ésaïe 53. He was despised and rejected by man. Méprisé et abandonné des hommes. A man of sorrows. Homme de douleur. And familiar with suffering. Et habitué à la souffrance. Like one from whom men should hide their faces. Semblable à celui dont on détourne le visage. He was despised. Nous l'avons dédaigné. And we esteemed him not. Et nous n'avons fait de lui aucun cas. Surely he took up our infirmities. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. And carried our sorrows. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. He carried our sorrows. Il a porté nos douleurs. And then he says, et ensuite il dit. And carried our sorrows. Il a porté nos douleurs. Yet we considered him stricken by God. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Smitten by him. Puni par lui. And afflicted. Et humilié. But he was pierced. Mais il était blessé. For our transgressions. Pour nos transgressions. He was crushed. Il était brisé. For our iniquities. Pour nos iniquités. The punishment that brought us peace. Le châtiment qui nous donne la paix. Was upon him. Est tombé sur lui. By his wounds. C'est par ses meurtrissures. We are healed. Que nous sommes guéris. We are healed. Que nous sommes guéris. Listen to this. Écoutez ceci. Sorrows and grief. Douleurs et chagrins. The Bible says. La Bible dit. You are Christ's ambassadors. Vous êtes les ambassadeurs de Christ. When he came, quand il est venu, he was covered with sorrows and grief. Il était couvert de douleurs et de chagrin. A man of sorrows. Un homme de douleur. And familiar with suffering. Et familier à la souffrance. And if you want to be like him, et si vous voulez être comme lui, an ambassador. Un ambassadeur. He has the name His Excellency. A le nom Excellence. His Excellency the Ambassador. Son Excellence l'ambassadeur. The President of a country. Le président du pays. Has the name His Excellency the President. A le nom Son Excellence le président. So that means. Ça signifie. When I come and meet the ambassador. Quand je viens. Et que je rencontre l'ambassadeur. In that country. Dans ce pays. He is the mirror image of the president. Il est l'image miroir du président. That means when I see him, I've already seen the president. Ça signifie que quand je l'ai vu, j'ai déjà vu le président. That means everything he presents is everything about that nation, that country, that rule, that government. Ça signifie que tout ce qu'il présente, ça représente cette nation, ce pays, cette autorité, ce gouvernement. But now, mais maintenant, His Excellency, son Excellence, when you look at his image, quand vous regardez à son image, when he came to save the church, quand il est venu pour sauver l'Église, he's a man of sorrows, c'est un homme de douleur, and familiar with suffering, habitué à la souffrance. So you who want to be ambassador, alors vous qui désirez être un ambassadeur, are you ready to be a man of sorrows? Êtes-vous prêt à être un homme de douleur and familiar with suffering? Et habitué à la souffrance? That is what the church has not known. C'est ce que l'Église n'a pas su. As long as you walk in this world, aussi longtemps que vous marchez dans ce monde, you must, vous devez, must sorrow, vous devez souffrir. I remember sometimes, je me souviens quelquefois, when the Lord speaks to me in the dream, quand le Seigneur me parle dans des rêves, about certain things, à propos de certaines choses, and I go to meet that event or that country, et quand je vais pour rencontrer cet événement dans cette contrée, and I remember, et je me souviens, at times I break down and cry, quelquefois je m'abats et je pleure, because I ask, parce que je demande, how can they abuse Jesus this way? Comment peuvent-ils abuser Jésus de cette manière? How can you pay millions to come and pray here? Comment pouvez-vous payer des millions pour venir et prier là? How can they abuse widows like that? Comment est-ce qu'ils peuvent abuser des veuves comme ceci? Orphans like that. Des orphelins comme ceci? Because they will not afford millions. Parce qu'ils ne veulent pas s'offrir des millions. And the rest also will not afford. Les autres non plus ne veulent pas ceci. For as long as you are walking on this earth, aussi longtemps que vous marchez sur cette terre, and walking in the way, et que vous marchez dans le chemin, you will always sorrow and you will be grieved. Vous aurez toujours des chagrins et des douleurs. When you will see sexual sin in the church, quand vous verrez du péché sexuel dans l'église, you will have grief. Vous aurez du chagrin. When you will see false prophets in the church, quand vous verrez des fausses prophéties dans l'église, you will have lying to the church, you will have grief. Des mensonges dans l'église, vous aurez des chagrins. When you will see the pregnancies and abortions in the church, quand vous allez voir des femmes enceintes et de l'abortion et de l'avortement dans l'église, you will be so grieved. Vous allez avoir tellement de chagrin. Because you will know, parce que vous saurez, that they have closed the door for the Lord, qu'ils ont fermé la porte au Seigneur. So other people, other religions cannot come to Jesus anymore. Alors d'autres gens, d'autres religions ne peuvent pas venir à Jésus, ne peuvent plus venir à Jésus. John chapter 1 verse 11. Jean chapitre 1 verset 11. The church did not understand grief. L'église n'a pas compris la douleur. John 1:11. Jean 1:11. Let's see what he says. Voyons ce qu'il dit. He says, il dit, he came to that which was his own, il est venu chez les siens, but his own did not receive him, et les siens ne l'ont pas reçu. Another thing the Lord has spoken to the church, une autre chose que le Seigneur a dit à l'église, that the church did not understand, mais l'église n'a pas compris, the reason for which there is apostasy, la raison pour laquelle il y a de l'apostasie, the word betrayal, le mot trahison. If the church had understood that word, si l'église avait compris ce mot, she would not have fallen, elle ne serait pas tombée. Betrayal, la trahison. Did you know that betrayal is supposed to be part of your Christian life? Est-ce que vous savez que la trahison est supposée être une part de votre vie chrétienne? To be betrayed is supposed to be normal. Être trahi, c'est supposé être normal. Because the Lord was betrayed. Parce que le Seigneur a été trahi. It is not a joke. Ça n'est pas une plaisanterie. Alléluia. Alléluia. Psalm 55. Le psaume 55. Verses 12 to 14. Les versets 12 à 14. He says, il dit, if an enemy were insulting me, I could have endured it. Si un ennemi m'outrageait, je le supporterais. If a foe were raising himself against me, I could have hid from him. Si mon adversaire s'élevait contre moi, je me cacherais devant lui. But it is you. Mais c'est toi. A man like myself. Que j'estimais mon égal. My companion. Toi, mon confident. My close friend. Mon ami proche. With whom I once enjoyed sweet fellowship. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. As we walked with the throng at the house of God. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. This was the prophecy that was spoken. C'était les prophéties qui étaient dites. That when the Messiah comes. Pour que quand le Messie vient. Messiah would be betrayed. Le Messie va être trahi. Not by somebody far. Non pas par quelqu'un d'éloigné. By the one sitting next to him. Mais par celui qui est assis près de lui. And enjoying the sweet dish dipping in the same bakuli. Et il se réjouissait manger dans le même plat. The Lord is saying the church, the Christians. Le Seigneur dit, l'Église, les chrétiens. Need to be careful. Ont besoin d'être prudents. So you may not fall. Alors vous ne tomberez pas. You need to know. Vous avez besoin de savoir. That the manner. Que la manière. Of betrayal. De trahir. That is going to visit your salvation. Va visiter votre salut. Your ministry. Votre ministère. It will not come from out. Ne va pas venir en dehors. It will come from here. Ça va venir de l'intérieur. It may be an elder in the church. Ça peut être un ancien dans l'église. Or an associate pastor. Ou un pasteur associé. But it will be someone very close to you. Mais ça va être quelqu'un très proche de vous. Who will be raised up against you. Qui va s'élever contre vous. You are very familiar with this, right? Vous avez l'habitude de ceci, non? We have seen even churches split. Nous avons même vu des églises se diviser. If Jesus was betrayed, si Jésus était trahi, and he is the way, et il est le chemin, and we are walking this way, et nous marchons dans ce chemin, it is a must, you must be betrayed. C'est un devoir, vous devez être trahi. And so the Lord is saying, alors le Seigneur dit, we needed our spiritual antennas to be up. Nous avons besoin d'antennes spirituelles pour être debout. So we may know. Alors nous pouvons savoir. When a brother or a sister needs to be restored. Quand une sœur ou un frère a besoin d'être restauré. An elder needs to be restored. Un ancien a besoin d'être restauré. A worship leader needs to be restored. Quelqu'un qui conduit la louange a besoin d'être restauré. Whoever it is. Où que ce soit. Because once the church. Parce que une fois que l'église. Will be aware that betrayal is along this road. Que sera au courant que la trahison fait partie de ce chemin. She will outwit the devil. Elle va déjouer le diable. Because. Parce que. When the prophet said. Quand le prophète a dit. That when the Messiah comes. Que lorsque le Messie vient. He will have power to crush death. Il va avoir le pouvoir d'écraser la mort. They wept. Ils ont pleuré. They longed. Ils ont aspiré. They desired. Ils ont désiré. That they would live to see that dispensation. Qu'ils puissent vivre pour voir cette dispensation. The dispensation of power. La dispensation du pouvoir. But they did not. Mais ils ne l'ont pas. Oui, and yet you. Mais maintenant vous. You are living to see that dispensation. Vous vivez pour voir cette dispensation. You are living after the Messiah came. Vous vivez après que le Messie soit venu. And defeated death. Et qui a défié la mort. So you are living in triumph. Alors vous êtes en train de vivre dans le triomphe. So if you will raise your antenna. Alors si vous élevez votre antenne. Aware of betrayal. Étant averti. De la trahison. On this road, sur ce chemin. There is victory here. Il y a la victoire ici. In the blood of Jesus. Dans le sang de Jésus. Matthew 26, verse 21. Matthieu 26, verset 21. The word. La parole. 26, 21. 26, 21. Verse 14. You can start from 14, precious people. Les versets 14. On va commencer par le verset 14, précieux peuple. Then one of the 12, alors l'un des 12, the one called Judas Iscariot, appelé Judas Iscariot, went to the chief priest, alla vers les principaux sacrificateurs, and asked, et dit, what are you willing to give me? Que voulez-vous me donner? If I hand him over to you. Si je vous le livre. 21. And while they were eating, pendant qu'ils mangeaient, he said, il dit, I tell you the truth. Je vous dis la vérité. One of you will betray me. L'un de vous me livrera. Alléluia. Alléluia. Precious people. Précieux peuple. The other thing that the church ought to understand on this way. L'autre chose que l'église doit comprendre sur ce chemin, is that Jesus was ridiculed. C'est que Jésus a été ridiculisé. That's why. C'est pourquoi. I like it when I'm ridiculed. J'aime quand je suis ridiculisé. When I'm ridiculed. Quand je suis ridiculisé. I love it. J'aime ça. Because that is the mark that the Lord sent me. Parce que c'est la marque qui montre que le Seigneur m'a envoyé. The Lord was heavily ridiculed. Le Seigneur a été lourdement ridiculisé. But the prophecy that the prophet spoke, mais la prophétie que le prophète a dit, they say, dit, the Messiah would be ridiculed. Le Messie va être ridiculisé. In fact, they said, en fait, ils ont dit, the Messiah would be the subject of ridicule. Le Messie va être un sujet de ridicule. Why does the church fear to be ridiculed? Pourquoi est-ce que l'église a peur d'être ridicule? Because she is not walking in this way. Parce qu'elle ne marche pas dans ce chemin. Because she is seeking approval. Parce qu'elle cherche l'approbation. Approval by men. D'être approuvée par les hommes. Approval of men. Approuvée des hommes. In Galatians chapter 1 verses 6 to 10. En Galates, chapitre 1, verset 6 à 10, he says, am I seeking the approval of men or of the Lord? Est-ce que je cherche l'approbation des hommes ou celle de Dieu? And he finishes by saying, et il finit par dire, if I were seeking the approval of men, si je cherchais l'approbation des hommes, would I have been the servant of the Lord? Est-ce que je serais le serviteur du Seigneur? Let us accept what Jesus accepted. Acceptons ce que Jésus a accepté. If the church will walk in the image of Christ, si l'église veut marcher à l'image de Christ, she must be the subject of ridicule. Elle doit être un sujet de ridicule. Ridicule. Ridicule. Grief and sorrow. Des peines et des douleurs. To be forsaken. Être abandonné. Jesus was forsaken. Jésus a été abandonné. But there is a fall today because you are not ready to be forsaken. Mais il y a une chute maintenant parce que on n'est pas prêt d'être abandonné. And that's why I said. Et c'est pourquoi j'ai dit. Today, if you listen very carefully and catch this. Aujourd'hui, si vous écoutez très attentivement et que vous prenez ceci, your salvation has changed. Votre salut va changer. You go home. Vous allez à la maison. Or to the office. Ou au bureau. They say, why is she dressing on long skirts these days? Et ils vont dire, pourquoi est-ce qu'elle a des si longues robes? Why is she reading the Bible during lunch hour and fasting? Every time you invite her for lunch, she says she's fasting. Pourquoi est-ce qu'elle lit la Bible pendant l'heure du repas et qu'elle jeûne? Chaque fois qu'on l'invite, elle est en train de jeûner. Until they begin to have certain meetings. Jusqu'à ce qu'ils aient quelques rassemblements. Without inviting you. Sans vous inviter. Then you say, hey, you guys were meeting here. Et vous dites, mais là vous avez un rassemblement ici. I was just in my office. J'étais juste dans mon bureau. Why didn't you call me? Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas appelé? You must be forsaken. Vous devez être abandonné. Why is she removing her children and taking to Christian schools? Pourquoi est-ce qu'elle retire ses enfants et les met dans une école chrétienne? Every time she says she's fasting, fast. Oh, we are tired of her. Tout le temps, elle dit qu'elle jeûne. Oh, nous en avons marre d'elle. The church must be forsaken if she walks in this way. L'église doit être abandonnée si elle marche dans ce chemin. The prophecy said. La prophétie a dit that when the Messiah comes, que lorsque le Messie vient, He will be forsaken. Il sera abandonné. Zechariah 13, somebody. Zacharie 13. Zechariah 13. Zacharie 13. The prophecy that was given to the Messiah. La prophétie qui a été donnée au Messie. Verse 7. Le verset 7. It says, il dit, awake, O sword. Lève-toi, épée. Against my shepherd. Contre mon berger. Against the man who is close to me. Contre l'homme qui est proche de moi. Declares the Lord Almighty. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Strike the shepherd. Frappe le berger. And the sheep will be scattered. Et que les brebis se dispersent. And I'll turn my hand against the little ones. Et je tournerai ma main vers les faibles. That was the prophecy that when he comes. C'est la prophétie. Pour quand il vient, he will be forsaken. Il va être abandonné. It would affect the sheep. Et ça va affecter les brebis. Turn with me real quick. Tournez-vous vers moi très rapidement. Mark chapter 14. Mark chapitre 14. The fulfillment of that prophecy. L'accomplissement de cette prophétie. Mark. Mark. Chapter 14. Chapitre 14. Verse 27 to 31. Les versets 27 à 31. Mark 14. Mark 14. 27 to 31. 27 à 31. He says. Il dit. You will all fall away. Vous serez tous scandalisés. Jesus told them. Jésus leur a dit. For it is written. Parce qu'il est écrit. I will strike the shepherd. Je frapperai le berger. And the sheep will be scattered. Et les brebis seront dispersées. But after I have risen. Mais après que je serai ressuscité, I'll go ahead of you to Galilee. Je vous précéderai en Galilée. Listen very carefully here. Écoutez très attentivement ici. You must be forsaken. Vous devez être abandonné. Listen to this now. Écoutez ceci maintenant. The prophecy says, la prophétie a dit that the Messiah, when he comes, que le Messie, quand il vient, he will be forsaken. Il va être abandonné. And I read how Zechariah spoke. Of him. Et j'ai lu comment Zacharie a parlé de lui. And you see, when the dispensation, when the fullness of time had come. Et vous voyez quand la dispensation, quand la plénitude du temps est venue. And the Messiah came. Et le Messie est venu. Listen what happened. Écoutez ce qui est arrivé. Precious people. Précieux peuple. Then. Ensuite. The day that strike the shepherd took place. Le jour où le berger a été frappé, a pris place. All the disciples ran away. Tous les disciples sont partis. If you read in there, si vous lisez à l'intérieur, you find Peter, vous allez trouver Pierre. Peter vowing, Pierre faisant un vœu. For me, even up to death, I will not leave you. Pour moi même, si je devais mourir, je ne te quitterai pas. I promise I will not run away. Je te promets, je ne vais pas m'en aller. Even if everybody runs away, même si tout le monde s'éloigne de toi, me, I am not going to run away. Je ne vais pas m'éloigner. Peter was bowing. Peter faisait un vœu. But it's amazing to me. Mais ça m'étonne. When you read later, quand vous lisez plus loin, you find that Peter ran away. Vous trouvez que Pierre s'en est allé. Verse 66. Le verset 66. Mark 14. De Marc 14. While Peter was below in the courtyard, pendant que Pierre était en bas dans la cour, one of the servant girls of the high priest came by. Une des servantes du souverain sacrificateur est venue. When she saw Peter warming himself, voyant Pierre qui se chauffait, she looked closely at him. Elle le regarda. Près, you also were with that Nazarene Jesus. Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. He said. Il a dit. But he denied it. Mais il le nia. I don't know or understand what you are talking about. Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. He said. A-t-il dit. And went out into the entryway. Puis il sortit pour aller dans le vestibule. When the servant girl saw him there. La servante. L'ayant vu, she said again to those standing around, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, this fellow is one of them. Celui-là est de ces gens-là. Again he denied it. Encore, il le nia. cela. After a little while, peu après, those standing near say to Peter, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, surely you are one of them. Certainement tu es de ces gens-là. For you are a Galilean. Car tu es Galiléen. But he began to call down curses on himself. Il a commencé à se condamner lui-même. And he swore to them, et il leur jura, I don't know this man. You are talking about. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Immediately the rooster crowed. Aussitôt le coq chanta. The second time. Pour la seconde fois. And Peter remembered the word of Jesus. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus. Yeah, Jesus had spoken to him. Ce que Jésus lui avait dit. Before the rooster crowed twice. Avant que le coq chante deux fois. You will disown me three times. Tu me renieras. Trois fois. Why is the church seeking approval? Pourquoi est-ce que l'Église cherche de l'approbation? And so the church is entering into defiling covenants. Alors l'Église entre dans une alliance souillée. Many, many defiling covenants. Beaucoup, beaucoup d'alliances souillées. Interfaith covenants, name it, whatever you want to call it. Alliances interreligieuses, nommez-les comment vous voulez les appeler. I am the way. Je suis le chemin. The way. Le chemin. The Lord says. Le Seigneur dit. And if you want to come to the kingdom of God. Et si tu désires venir dans le royaume de Dieu. He says, nobody gets into the kingdom of God. Il dit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Except through me. Sauf par moi. If you are walking in this way. Si vous marchez sur ce chemin. If the church will walk this way. Si l'Église veut marcher ce chemin, she must be forsaken. Elle doit être abandonnée. Three times Peter denied. Trois fois, Pierre a renié. After vowing to Jesus. Après avoir fait des vœux à Jésus. Look at this now. Regardez ceci maintenant. The prophecy had said, la prophétie a dit that the Messiah would be alone on a hill. Que le Messie va être seul. Sur une montagne. Let me put it this way. Laissez-moi le mettre de cette manière. That the Messiah's friends. Que les amis du Messie. Would be very far away from him on the hill. Vont être très loin de lui sur la colline. Look at what the prophecy said. Regardez ce que la prophétie a dit. The prophecy said that they would look at him like this from afar. La prophétie a dit qu'ils le regarderont de loin. On the cross. Sur la croix. Totally forsaken. Totalement abandonné. To the point that when he was thirsty, au point où, quand il était assoiffé, there was nobody to give him water to drink. Il n'y avait personne pour lui donner de l'eau à boire. He was very thirsty on that cross. Il était très assoiffé sur cette croix. Precious people. Précieux peuple. Let the church get out of that wider way. Que l'Église sorte de ce chemin large. And come back to this narrow way. Et reviennent sur ce chemin étroit. I am the way. Je suis le chemin. This way. Ce chemin. The church needs to walk this way. L'Église a besoin de marcher dans ce chemin. Turn with me to Isaiah chapter 50. Tournez avec moi au livre d'Ésaïe chapitre 50. Isaiah chapter 50. Ésaïe chapitre 50. Verse 6. Verset 6. He says, il dit, I offered my back to those who beat me. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. My cheeks to those who pulled out my beard. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. I did not hide my face from mocking and spitting. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Wow. Did somebody hear what I heard? Est-ce que quelqu'un a entendu ce que j'ai entendu? He offered his back for weeping. Il a offert son dos pour qu'on le frappe. For hot beating. Des coups brûlants. He did not hide his cheeks from those who were hitting him and pulling his beard. Il n'a pas caché ses joues à ceux qui le frappaient et qui tiraient sa barbe. In that culture during that time. Dans cette culture, en ce temps. It was typical when there was a war between two armies. C'était typique quand il y avait une guerre entre deux armées. It was normal for those who had been captured for the beard to be shaved half. C'était normal pour ceux qui avaient été capturés d'avoir qui avaient la barbe rasée à moitié. At times just by plucking. Quelquefois, il l'arrachait. As a sign of humiliation. Un signe d'humiliation. Precious people. Précieux peuple. And he said he did not hide his face. Et il a dit qu'il n'a pas caché sa face. To mocking and spitting. Aux moqueries et aux crachats. When the prophets spoke in the Bible. Quand les prophètes ont parlé dans la Bible. When they spoke of the Messiah's coming. Quand ils ont parlé de la venue du Messie. They said. Ils ont dit. I see that when he comes. J'ai vu que lorsqu'il vient. The Messiah would be spat on. On va cracher sur le Messie. You can imagine as a human being where you are now. Vous pouvez imaginer en tant qu'être humain où vous êtes là. For someone to do and spit on your face. Pour que quelqu'un fasse ceci et crache sur votre visage. Probably all your life you might never forget that day. Probablement pendant toute votre vie vous n'allez pas oublier ce jour. The prophecy said. La prophétie a dit. The Messiah would be spat on. On va cracher sur le Messie. And I've read it for you here. Et j'ai écrit ceci pour vous ici. When Isaiah saw the dispensation of his coming. Quand Isaïe a vu la dispensation de cette venue. He saw that he would be spat on. Il a dit qu'on va lui cracher dessus. Turn with me to Matthew 27. Tournez avec moi à Matthieu 27. Verse 30. Le verset 30. You can read from 27 to 30. On va lire de 27 à 30. Then the governor's soldiers took Jesus into the praetorium. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. And gathered the whole company of soldiers around him. Et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. They stripped him and put a scarlet robe on him. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. And then twisted together a crown of thorns and set it on his head. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. They put a staff in his right hand. Ils mirent un roseau dans sa main droite. And knelt in front of him and mocked him. Et s'agenouillant devant lui, ils le raillaient. Hail, King of the Jews, they said. Salut, roi des Juifs, disait-il. They spat on him. Et ils crachaient contre lui. And took the staff and struck him on the head again and again. Prenez le roseau et frappez sur sa tête encore et encore. Now you can understand. Maintenant vous pouvez comprendre. Alléluia. Alléluia. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. The prophecy said. La prophétie a dit. That the Messiah would be spat on. Que on va cracher sur le Messie. And when the dispensation arrived. Et quand la dispensation est arrivée. Indeed, they spat on the face of the Messiah. En vérité, ils ont craché à la face du Messie. That is the highest level of mocking. Ça c'est le plus haut niveau de moquerie. Pastors. Pasteur. Why do you fight? When you hear another pastor mocking you. Pourquoi est-ce que vous luttez quand vous entendez un autre pasteur qui se moque de vous? Or you hear some people in the trading center mocking you. Ou quand vous entendez des gens du trading center qui se moquent de vous? At times you need to take it. Parfois, vous avez besoin de l'accepter. Unless the Lord commands you to fight back. À moins que le Seigneur vous commande de lutter contre. For the sake of the unborn again. Pour le salut des non-nés de nouveau. That they may know the truth, not this rumor. Qu'ils puissent connaître la vérité et non pas cette rumeur. You should not fight. Vous ne devez pas lutter. If you are mocked at, si on se moque de vous, then you have won the image of the Messiah. Alors vous avez gagné l'image du Messie. The church has not accepted mocking. L'Église n'a pas accepté qu'on se moque d'elle. She has accepted all manner of bonds and fellowship and friends and covenants. Elle a accepté toutes sortes de liaisons, de associations, d'alliances et d'amis. Because she fears to be spat on. Parce que elle a peur qu'on lui crache dessus. In Spanish, they say escupión en su rostro. They spat on his face. Il lui crache à la figure. Listen. Écoutez. In whatever language. Quel que soit le langage. It is the worst description of mockery. C'est la pire des descriptions de moquerie. Why have I shared these things today? Pourquoi est-ce que j'ai partagé ces choses aujourd'hui? The prophecy said. La prophétie a dit. That the Messiah would be ridiculed. Que le Messie allait être ridiculisé. Psalm 109. Le psaume 109. Write down these scriptures. Écrivez cette écriture. I may never teach this at all. n'enseigne plus jamais ceci encore. Psalm 109. Psaume 109. Verse 25. Verset 25. This is what he says. C'est ce qu'il dit. He says. Il dit. I am an object of scorn. Je suis un objet d'opprobre. To my accusers. Pour mes accusateurs. When they see me. Quand ils me voient. They shake their heads. Ils secouent la tête. Psalm 22. Le psaume 22. Psalm 22 verse 7 to 8. Les versets 7 à 8. All who see me mock me. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. And they howl insults, shaking their heads. Ils hurlent des insultes, secouant leur tête. He trusts in the Lord. Recommande-toi à l'Éternel. Let the Lord rescue him. L'Éternel le sauvera et le délivrera. Let him deliver him. Il le délivrera. Since he relies in him. Puisqu'il l'aime. Psalm 42 verse 10. Psaume 42 verset 11. Psalm 42 verse 10. Psaume 32 verset 10. My bones suffer mortal agony. Mes os souffrent une mortelle agonie. As my foes taunt me. Quand mes persécuteurs m'outragent. Taunt me all day long. Me disant sans cesse. Where is your God? Où est ton Dieu? Matthew 27, 39. Matthieu 27, 39. What a marathon scripture. Quel marathon de écriture. Let us feed on the word. Nourrissons-nous de la parole. What I'm doing is that I am feeding you on the word. Ce que je fais, je vous nourris de la parole. I am feeding you on the word. Je vous nourris de la parole. When you feed the church on the word. Quand vous nourrissez l'église de la parole. And feed her more and more. Et que vous la nourrissez, de plus en plus. She will get shocked. Elle va être choquée. And find she's walking in this way. Et trouver qu'elle marche sur ce chemin. Matthew 27, verse 39. Matthieu 27, verset 39. Listen to what he says. Écoutez ce qu'il dit. When the prophecy had to be fulfilled. Quand la prophétie doit être accomplie. He says. Il dit. Those who passed by howled insults at him. Les passants l'injuriaient. Shaking their heads. En secouant la tête. And saying. Et en disant. You who are going to destroy the temple. Toi qui détruis le temple. And build it in 3 days. Et qui le rebâtit en 3 jours. Save yourself. Sauve-toi toi-même. Come down from that cross. Descends de cette croix. If you are the son of God. Si tu es le fils de Dieu. Up to 43. Let's read on up to 43. Lisons encore. Le chapitre continue au verset 43. In the same way the chief priests and the teachers of the law. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens and the elders mocked him. Se moquaient aussi de lui. He saved others, they said. Il a sauvé les autres, disait-il. But he can't save himself. Il ne peut se sauver lui-même. He is the king of Israel. S'il est le roi d'Israël, let him come down now from the cross. Qu'il descende de la croix. And we will believe in him. Et nous croirons en lui. He trusts in the Lord. Il s'est confié en Dieu. Let the Lord rescue him now. Que Dieu le délivre maintenant. If he wants him. S'il l'aime. For he said. Car il a dit. I am the son of God. Je suis fils de Dieu. In the same way. De la même manière. The robbers who were crucified with him. Les brigands qui étaient crucifiés avec lui. Also heaped insults on him. L'insultaient aussi. Sometimes. Quelquefois. When I see. The way the Lord is abused. Quand je vois la manière dont le Seigneur a été abusé, I fall down and cry. Je tombe et je prie. The Messiah was ridiculed. Le Messie était ridiculisé. For the sake of your salvation. Pour l'amour de votre salut. That you may get to see the kingdom of God. Pour que vous puissiez voir le royaume de Dieu. Now, where has this manipulation come from? Maintenant, d'où vient cette manipulation? The book of Mark, le livre de Marc. 15, verse 29, 15, verset 29. They are the same scripture you can read at home. Ce sont les mêmes textes. Vous pouvez les lire à la maison. But the prophecy said, mais la prophétie a dit that the Messiah would be the subject of ridicule. Que le Messie va être un sujet d'être ridiculisé. And yet he said, et maintenant il a dit, I am the way. Je suis le chemin. Walk this this way. Marchez dans ce chemin. If you want to see the kingdom of God. Si vous voulez voir le royaume de Dieu. You are the light of the world. Vous êtes la lumière du monde. I am the light of the world. Je suis la lumière du monde. And you are the light of the world. Et vous êtes la lumière du monde. That means you ought to bear his image. Ça signifie que vous devez porter son image. When the Bible says, quand la Bible dit, that his life on the earth, que sa vie sur la terre, was the subject of ridicule, était un sujet de ridicule, even you on the earth, même vous sur la terre, even the church today, même l'église aujourd'hui, if she's going to walk in this way, si elle marche dans ce chemin, the highway of holiness, le haut chemin de la sainteté, then she has to be the subject of ridicule. Alors, elle est exposée à être sujet de ridicule. Why have I said all these things? Pourquoi est-ce que j'ai dit toutes ces choses? Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. In that mighty vision of the Lord. Dans cette puissante vision du Seigneur. When the Lord spoke me about the wedding of the Lamb of God. Quand le Seigneur m'a parlé à propos des noces de l'agneau de Dieu. And heaven opened in that vision. Et les cieux ouverts dans cette vision. And the glory began to come out in clusters. Et la gloire a commencé à sortir en grappe. Changing and transforming the darkness above the sky. Changeant et transformant les ténèbres au-dessus des ciels. When the glory came, quand la gloire est venue, it became light that was now illuminating the darkness. C'est devenu lumière qui maintenant illuminait les ténèbres. Then all of a sudden, from the interiors of heaven, et tout à coup, de l'intérieur du ciel, he lowered two golden wedding rings. Il a montré deux anneaux de noces en or. And those golden wedding rings, et ces anneaux de noces en or, they were very, very identical. Étaient très, très identiques. They are very, very similar. Ils sont très, très similaires. Very identical. Ils sont identiques. They are mirror images of one another. Ils sont l'image miroir l'un de l'autre. You put a mirror here, over this, you see the other. Vous mettez un miroir ici et de l'autre côté vous voyez l'autre. I panicked. Je me suis affolé. And I asked the Lord. Et j'ai demandé au Seigneur. Because I knew. Parce que je savais. He made me know. Il m'a fait savoir. That one wedding ring is for the church. Qu'un des anneaux de noces étaient pour l'église. And the other one is for the Messiah. Et que l'autre était pour le Messie. So I asked the Lord. Alors j'ai demandé au Seigneur. How can the church? Comment est-ce que l'église peut? Wear the same type of ring like the Lord. Porter le même anneau que le Seigneur. That means. Ça signifie. When he went on the cross at Calvary. Quand il est allé à la croix. Au calvaire, he set the church free. Il a rendu l'église libre. And he allowed the church, et il a permis à l'église, to now share in the righteousness of God, de maintenant partager la justice de Dieu. Because of the Holy Spirit, à cause du Saint-Esprit, you are supposed, vous êtes supposé, to wear the perfect image of the man of Christ. De vêtir la parfaite image de l'homme qui est Christ. The person of Christ is supposed to be seen in you. La personne de Christ est supposée être vue en vous. Precious people. Précieux peuple. You are supposed to be the image of the Lord. Vous êtes supposé être l'image du Seigneur. When you talk. Quand vous parlez. You are supposed to speak that which the Messiah would have said. Vous êtes supposé dire ce que le Messie aurait dit. When you walk, quand vous marchez. When you eat, quand vous mangez. You're supposed to eat that which the Messiah was here would have eaten. Vous êtes supposé manger ce que le Messie lui-même aurait mangé. Whatever you do, quoi que vous fassiez. It's supposed to be in the image of the Lord. Vous êtes supposé être à l'image du Seigneur. And that's why, et c'est pourquoi. If he was ridiculed, si il était ridiculisé. You must be ridiculed. Vous devez être ridiculisé. If he was forsaken, s'il était abandonné. You must be forsaken. Vous devez être abandonné. If he was mocked, si on se moquait de lui, vous, on doit aussi se moquer de vous. Si on lui crachait dessus, on doit aussi cracher sur vous. S'il a triomphé, vous devez vous aussi triompher. Precious people, précieux peuple, time is over. Le temps est passé. Prepare the way. Préparez le chemin for the coming of the Messiah. Pour la venue du Messie. I have seen the coming of the Lord. J'ai vu la venue du Messie. That's why you are running all over the globe. C'est pourquoi je cours tout autour du globe. Telling them to stop sin. Leur disant d'arrêter de pécher. And return to righteousness. Et de retourner à la justice. Return to the Lord. Retournez au Seigneur. Return to righteousness. Retournez à la justice. Return to holiness. Retournez à la sainteté. Return to this way. Retournez à ce chemin. The highway of holiness. Le haut chemin de la sainteté. There is no other way. Il n'y a pas d'autre chemin. By which man can be saved. À travers par lequel l'homme peut être sauvé. Except this way. À part ce chemin. There is no other name. Il n'y a pas d'autre nom. By which man can be saved. Par lequel nous pouvons être sauvés. Except the name of Jesus. Sauf le nom de Jésus. I have come to tell you. Je suis venu pour vous dire. The time is over. Que le temps est passé. For sexual sin. Pour les péchés sexuels. Time is over. Le temps est passé. For preaching prosperity. De prêcher la prospérité. Time is over. Le temps est passé. The immorality in the church. De l'immoralité dans l'église. Time is over. Le temps est passé. For preaching the wealth of the earth. De prêcher la richesse sur la terre. Time is over. Le temps est passé. For false prophecy. Pour les fausses prophéties. Time is over. Le temps est passé. For pleasing the world. De plaire au monde. Time has come. Le temps est venu. That you may now repent. Où vous pouvez maintenant vous repentir. And walk in this way. Et marcher dans ce chemin. Because he says. Parce qu'il dit. I am the way. Je suis le chemin. The truth. La vérité. And the life. Et la vie. Is the way. Il est le chemin. Precious people. Précieux peuple. Time is over. Le temps est passé. Prepare the way. Préparez le chemin. For the coming of the Messiah. Pour la venue du Messie.